إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 32 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, avec le commentaire et les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan. C'est un livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On est rendu à la partie 131 où Cheikh al-Islam commence à maintenant clarifier les questions qui ont rapport avec le danger d'imiter les juifs et les chrétiens dans la religion. Et donc il dit wa amma al-khawd kalladhi khadu fa rawayna min hadith al-Thawri wa ghayrihi an Abd al-Rahman ibn Ziyad ibn An'am al-Afriqi wa Abdullah ibn Yazid an Abd Allah ibn Amr radi Allahu anhuma qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت إلى ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ce hadith. Il dit que en ce qui concerne al-Khawd, hein, comme ceux qui ont c'est-à-dire le fait d'argumenter ou de discuter à propos de la religion à tort et à travers, comme ceux qui ont discuté à tort et à travers auparavant au sujet de leur religion, c'est-à-dire il dit que ça a été rapporté, il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet-là, c'est le hadith de Al-Thawri et d'autres également qui l'ont rapporté, selon Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriqi, selon Abdullah ibn Yazid, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma umma va subir la même chose que ce que les fils d'Israël ont subi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est arrivé à Bani Israël, ça va arriver à ma umma aussi, pas à pas, et, hein, petit à petit, étape par étape. Et il dit que même si parmi eux, s'il y en a un qui faisait le zina avec sa mère devant tout le monde, hein, ouvertement, eh bien il y aura dans ma umma quelqu'un qui va faire ça aussi. A'udzubillah. Et il a dit que Bani Israël, ils se sont divisés en 72 sectes. Et il a dit que cette umma, elle va se diviser en 73 sectes. Ou en 73 groupes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Et ils ont dit, c'est-à-dire les sahaba, ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera-t-elle au messager d'Allah? C'est-à-dire, quel groupe sera au paradis parmi les 73? c'est lequel? Comment on fait pour être parmi eux? Comment on fait pour le reconnaître? Parce que les sahaba, ils cherchaient toujours le bien. Ils voulaient toujours connaître le bien pour se sauver eux-mêmes en premier, puis aider les autres par la suite. Donc, ils veulent savoir, ok, d'accord, il y a 73 sectes, et parmi ces 73, il y en a 72 qui vont en enfer, mais nous, on veut être parmi les gens, le groupe qui va au paradis. Donc, c'est lequel, au messager d'Allah? Comment on fait pour le reconnaître? Comment on fait pour le savoir? Chacun d'entre nous, on doit se poser cette question. La même manière que les sahaba ont posé cette question, pour savoir lequel des groupes qui est sauvé, nous aussi on est obligé en tant que musulmans, si on aime vraiment la vérité et si on cherche vraiment la vérité, de se poser cette question là et si on ne se la pose pas, ça veut dire qu'on n'a pas d'intérêt pour la religion réellement. Ça veut dire qu'on ne donne pas d'importance à la religion d'Allah si on ne se pose pas cette question là si on ne cherche pas à savoir où est-ce qu'elle est la vérité parmi tous les groupes et les sectes d'égarement qui existent maintenant et qui se prétendent tous être sur l'islam, alors qu'ils se contredisent tous les uns les autres. Ils prétendent tous être sur l'islam, et suivent le Coran, et suivent la Sunna, mais ils se contredisent tous les uns les autres. Un affirme une chose, l'autre il le nie. Un fait une chose, l'autre il dit le contraire. Est-ce qu'ils peuvent tous être sur la vérité et se contredire en même temps? C'est pas possible. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à la question. Il a dit, ce groupe qui sera sauvé, c'est ceux qui suivent ce que je suis moi-même et mes compagnons. C'est aussi simple que ça. Si tu suis ce que je suis moi-même et ce que mes compagnons suivent, tu es sur la vérité. Et ça, c'est rapporté par Abu Isa al-Tirmidhi. Et il dit que ce hadith, il n'est pas connu par d'autres façons que celle-là. Après, Cheikh Al-Fawzan, il explique et il élabore un peu plus sur la signification de ce hadith. Donc, il dit... بداية لا بد من الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله بعد أن أنهى الكلام عن التشبه بهم في الخلاق والشهوات وطلب الدنيا والتكاثر فيها انتقل إلى ما هو شر منه وهو التشبه بهم في الخوض في العقائد. قال سبحانه وخضتم كالذي خاضوا أي في عقائدهم. فالله جل وعلا جعل العقيدة عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا هو طريق النجاة وطريق الحق فالعقيدة الصحيحة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة. Donc le cheikh, il dit, pour commencer, il dit, il est obligatoire d'indiquer ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a voulu parler maintenant, après avoir terminé de parler sur le fait de ressembler aux koufars et aux juifs et aux chrétiens dans le comportement et dans les passions et dans la recherche de la dunya et dans le fait d'essayer d'augmenter et de toujours avoir de plus en plus des biens de la dunya, de faire la course là-dedans. Et bien maintenant, il a parlé de ça, il passe maintenant à une autre catégorie de ressemblance avec les juifs et les chrétiens ou avec les koufars, c'est et quelque chose qui est plus dangereux et plus grave et plus mauvais encore. Et c'est quoi cette catégorie-là? C'est de ressembler aux juifs et aux chrétiens dans le fait de disputer à tort et à travers dans les questions de la croyance islamique et dans qu'est-ce qui a rapport avec la aqida, la croyance. La aqida, c'est la base de l'islam. C'est les fondements de l'islam. Si quelqu'un il n'a pas une bonne aqida, il n'a pas d'islam. Son islam, soit qu'il est déficient dans le sens qu'il est en dehors de la religion, ou soit qu'il est déficient dans le sens que yani, sa compréhension ou sa pratique ou sa compréhension, elle est erronée. Elle est déficiente. Elle est incomplète. Elle n'est pas correcte. Et donc ça va l'amener à dévier dans la pratique aussi, obligatoirement. Donc, l'aqida, c'est la base, c'est le fondement. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est plus dangereux que de dévier. Dévier dans la croyance, c'est plus dangereux que de dévier dans les comportements, la pratique seulement. Et il donne l'exemple de le verset 69 qu'on a expliqué depuis plusieurs cours. « وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا » C'est-à-dire, vous avez disputé à tort et à travers de la même manière que eux l'avaient fait avant vous, c'est-à-dire dans l'aqaïd, c'est-à-dire dans leur aqida, dans leur croyance. Et donc le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal, il a fait de l'aqida une seule et unique aqida. Dans l'islam, il y a une seule et unique aqida. Il n'y a pas plusieurs aqaïd que des musulmans peuvent disputer entre eux ou choisir entre eux. Hein? Il y a une seule et unique croyance valable et acceptable selon l'islam. Et le cheikh il dit ensuite que cette aqida, c'est la aqida du tawhid. C'est la croyance en l'unicité d'Allah. Hein? Et il dit, c'est la aqida sahiha. Il dit, la aqida du tawhid en suivant les messagers d'Allah. Alayhim salatu wassalam. Il dit, c'est ça le chemin du salut. Et c'est ça le chemin de la vérité. Donc la aqida qui est correcte et qui est valable, elle est uniquement valable si tu suis le Coran et si tu suis la sunna. Et il dit ensuite, وَقَالَ عَزَّ وَجَلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَالْعَقِيدَةُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّلَقِّي وَالتَّوْقِيفِ فَلَا يُحْدَثُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يُضَافُ إِلَيْهَا شَيْءٌ وَهِيَ عَقِيدَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran ce qui signifie et voici mon chemin droit dans toute sa droiture, dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de le suivre. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas donc les petits chemins, les petits sentiers qui vont vous faire dévier de son chemin. Les petits sentiers, c'est-à-dire le chemin, parce qu'en récitant ce verset-là, il a tracé une ligne droite. Il a dit, ça c'est le chemin d'Allah. Il est droit et unique. Et il a tracé à gauche et à droite de ce chemin des petits sentiers. Et il a dit, ça c'est les chemins du diable. Hein? À la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre, qui les amène vers l'enfer. Et donc, ces chemins-là, c'est ces chemins-là qui vont vous diviser de son chemin, c'est-à-dire qui vont vous faire dévier de son chemin droit. Et c'est à cela que Allah vous enjoint pour que vous puissiez obtenir ou atteindre la piété. La piété, c'est-à-dire pour que vous puissiez y faire ce que Allah vous ordonne et que vous puissiez vous écarter de ce que Allah vous a interdit, hein, dans le but de vous sauver de son châtiment et d'obtenir sa récompense. Donc il dit ensuite, donc la aqida, elle est basée sur at-talaqqi. At-talaqqi wa at-tawqif. Qu'est-ce que ça veut dire at-talaqqi wa at-tawqif? Ça veut dire que la aqida c'est quelque chose qui se prend directement des ulama. On la recherche, la croyance, la connaissance de la croyance, on doit la rechercher directement des savants. C'est pas quelque chose qui s'apprend uniquement dans les livres, tout seul. Tu prends un livre, puis tu l'étudies, puis tu essaies d'apprendre toi-même tout seul la aqida de l'islam. Non. La aqida de l'islam, tu peux uniquement l'étudier et tu dois uniquement l'apprendre des hommes de la science qui l'ont étudié eux aussi, de leur chuyur. Et eux-mêmes qui les avaient étudiés de leur chuyur de génération en génération, hein, de cette manière. Jusqu'à ce qu'on revienne jusqu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on veut dire par at-talaqqi. Ok? C'est que cette connaissance de l'islam, elle se prend directement des hommes de science et les hommes de science, ils nous la transmettent comme eux l'ont reçue. Et ça a été comme ça depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, pour ceux qui suivent la compréhension et la croyance des salafus salih, bien entendu. Et donc, et at-tawqif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que at-tawqif, ça veut dire que tu dois t'arrêter au texte. Tu ne peux pas dépasser qu'est-ce qui est écrit dans les textes au sujet de la croyance islamique. Qu'est-ce qui est écrit dans les textes, c'est uniquement ça que tu as le droit de croire. Tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas inventer ou ramener des choses de ta tête ou commencer à inventer des choses. Et il dit ensuite que tout ce qui a été il dit فَلَا يُحْدَثُ فِيهَا, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'inventer quelque chose de nouveau dans la croyance islamique, dans la aqida. Tu n'as pas le droit de ramener une nouvelle chose et tu n'as pas le droit de rajouter non plus. pardon, de rajouter quoi que ce soit dans la aqidah. Donc c'est une aqidah qui est unique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset, wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fa'budun. Ça c'est dans le verset 92 dans sourate Al-Anbiya. Donc il dit, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. C'est-à-dire adorez-moi seul. Et n'adorez rien d'autre que moi. Ok, moi uniquement. Et tout ce qui est adoré en dehors de moi, par les hommes, rejetez-le. Vous n'avez pas le droit de l'adorer. Et donc, ensuite, le Cheikh dit, Wallahu amara bani Israël bithalik. ولكنهم تفرقوا واختلفوا في عقائدهم ولذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فنهانا عن التشبه بهم في أن نتفرق في عقيدتنا كما تفرقوا ولكن قدر الله نافذ والابتلاء واقع فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه الأمم الثلاث تفرقت وما كان لهم أن يتفرقوا لو أنهم تمسكوا بالكتب الإلهية واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يجري الابتلاء والامتحان فيحصل التفرق. Donc le Cheikh il explique, il dit que Allah سبحانه وتعالى il a ordonné les fils de Bani Israël, les fils d'Israël, d'être unis et de ne pas se diviser dans la croyance. Eux aussi, ils ont reçu l'ordre de rester unis dans leur croyance et de ne pas se diviser et d'être sur une aqida unique. Mais, par contre, ils se sont divisés et ils ont divergé dans leur croyance. Et c'est pour ça que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avertit et nous dit dans le verset 105, dans sourate Al-Imran, « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Ne soyez pas comme eux. » Eux, ils se sont divisés, ils ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas comme eux. Ne faites pas la même chose que eux. Ne vous divisez pas vous aussi comme eux se sont divisés. Et donc, le Cheikh, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de leur ressembler dans le fait qu'ils se sont divisés dans la croyance. Donc, on n'a pas à nous diviser dans notre croyance comme eux se sont divisés dans leur croyance. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté et sa prédestination, arrivent et s'exécutent, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, la volonté d'Allah s'exécute et elle se produit, qu'on le veuille ou non. Et il fait parfois que des divisions et de la divergence se produisent et existent dans le but de nous éprouver, dans le but de nous tester, dans le but de voir qui d'entre nous est sincère et qui d'entre nous ne l'est pas. Qui d'entre nous va chercher la vérité, qui d'entre nous ne va pas la chercher. Qui d'entre nous va distinguer et chercher, faire des efforts pour connaître la vérité du faux, et qui ne va pas faire d'efforts pour savoir la vérité du faux. Et donc, il faut que les hommes soient mis à l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a voulu qu'il y ait parfois de ces divisions et de ces divergences-là. Ça, c'est quelque chose que Allah a prédestiné. Mais est-ce que ça veut dire que Allah aime la division et la divergence? Non. Parce que parfois, il permet à des choses qu'il n'aime pas de se produire dans le but d'une sagesse plus grande, c'est-à-dire de mettre les hommes à l'épreuve et de les tester. Donc, le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les Juifs se sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette Ummah va se diviser en 73 sectes ou 73 groupes ou sectes. Il y en a qui disent, non, tu ne devrais pas dire secte parce que secte, c'est comme péjoratif. Mais la réalité, c'est que la signification est la même. Que ce soit un groupe ou une secte, c'est un groupe. C'est la même chose. La différence, c'est que la secte qui est sauvée, elle est sur la vérité. Et la secte, les sectes d'égarement sont sur l'égarement. Donc, si tu dis secte sauvée, ça veut dire c'est le groupe sauvé. Si tu dis groupe d'égarement, ça veut dire un groupe qui est dévié. Donc, c'est la même chose. Tu es obligé de rajouter quelque chose pour faire en sorte que ça soit clair. Et firqa, en arabe, ça veut dire secte, un groupe, une division. C'est ça que ça veut dire. Firqa, ça veut dire une secte. Ça veut dire une division. Ok? Quelque chose qui s'est séparé, qui s'est divisé de la base. D'accord? Donc, وأن هذه أمة الأمة ستفترق على 73 فرقة. Donc cette umma va se diviser en 73 sectes et elles seront toutes en enfer excepté une. Et c'est laquelle qui sera sauvée et qui ne sera pas en enfer avec les 72 autres? Eh bien, c'est celle qui suit ce que suivait le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Donc il dit que les trois peuples, ou les trois nations, les juifs, les chrétiens et les musulmans, ils n'avaient pas le droit de se diviser. Et ils n'ont pas le droit de se diviser. Naam. Donc, il dit, ils n'avaient pas le droit de se diviser et ils ne se seraient pas divisés s'ils étaient restés accrochés aux livres célestes et aux révélations divines. Mais ces trois nations se sont divisées. Et donc, il dit, s'ils avaient suivi les livres célestes et qu'ils avaient suivi leurs messagers, ils ne se seraient pas divisés. Mais Allah a fait en sorte que l'épreuve et le test, pour les mettre à l'épreuve et pour les tester, Allah a fait en sorte qu'il y ait cette division-là. Pour les mettre à l'épreuve, pour les tester, il a fait en sorte qu'il y ait cette division-là. Et tout ce qu'on vit sur la terre, tout ce que Allah nous fait subir sur la terre, c'est toujours pour nous tester et pour nous mettre à l'épreuve. Si tout était correct, tout était clair pour tout le monde, parce que la vérité, elle est claire, mais pas toujours pour tout le monde. Pas tout le temps et pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui font moins d'efforts pour la chercher que d'autres. Il y en a des gens qui font moins d'efforts pour connaître la vérité que d'autres. Il y en a qui ne s'intéressent pas du tout même à savoir qu'est-ce que c'est la vérité. Il y en a qui ne cherchent pas du tout à la savoir. Ils font des efforts pour toutes sortes d'autres choses dans la dunya, mais pour savoir la vérité, non. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc, ils disent, le cheikh, il continue, il dit, ولقد تشبهت هذه الأمة بمن قبلها في التفرق والاختلاف ولكن بقيت منها ولله الحمد بقية ثبتت على الحق ولا تنحرف عنه وهم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية وسميت ناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الفرق في النار إلا هي أي أن هذه الفرقة نجت من النار بسبب ثباتها على الحق والتوحيد والعقيدة الصحيحة وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc le cheikh il dit que cette umma a donc ressemblé ou imité ceux qui étaient avant cette umma dans la division et dans la divergence, malheureusement. C'est quelque chose qui s'est produit, c'est une réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un disait ce hadith, comme quelqu'un il dirait, non mais nous on n'est pas d'accord avec ce hadith des 73 sectes, parce que ça voudrait dire que on va être divisé. Donc, il y en a qui disent ce hadith il est faible, il n'est pas authentique, parce que ça voudrait dire que nous les musulmans on va se diviser. Et là, c'est pas que Jamaat Tabligh, les Ikhwan font partie de ceux qui nient ce hadith-là, et plein de gens de bid'a nient ce hadith-là. Ok, d'accord, tu dis à ces gens-là qui essaient de nier le hadith alors qu'il est authentique, tu dis, d'accord, vous niez le hadith, pourquoi? Parce que vous dites que sinon ça va diviser les musulmans. Est-ce que vous êtes en train de prétendre que les musulmans actuellement ne sont pas divisés, et que les musulmans actuellement sont tous unis, et qu'ils ont tous la même aqidah? Oui ou non? S'ils disent oui, ça veut dire qu'ils mentent. Ou qu'ils nient la réalité. Pourquoi? Parce que dans les faits, et qu'est-ce qui est concret, c'est que les musulmans sont divisés. Hein? Les Ikhwan, Jamaat Tablir, Hizb al-Tahrir, Daesh, hein? Al-Qaïda, les Turcs Soufia, et les Turcs Soufia, tu peux les calculer, il y en a des centaines et des centaines. Hein? Chaque fois qu'il y a un nouveau cheikh, il fait sa nouvelle tariqa. Hein? C'est comme, subhanallah, Naqshbandiya, Chistiya, Chadiliya, Tijaniya, Saharwardiya, Butchishiya. Hein? Subhanallah. Donc, name it, tu le trouves facilement. Il y en a plein. Chaque fois qu'un cheikh il meurt, son élève il prend sa place et il fait sa propre tariqa après. Donc, il y a autant de sectes soufis que de cheikhs soufis. C'est ça la réalité. Ils prétendent tous connaître le secret, un secret quelconque qui fait que si tu rentres avec eux, tu vas rentrer au paradis directement. Donc tout ça c'est des mensonges, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit qu'il y a cette division là, tu ne peux pas le nier. Hein? Ça c'est quelque chose qui existe, qui est là, c'est un fait, c'est quelque chose de concret. Mais qu'est-ce qu'ils acceptent pas eux, c'est souvent que le hadith dit qu'il y a un seul groupe qui va être sauvé, une seule secte qui est sur la vérité, les autres sont sur le faux et ils vont mériter l'enfer. Donc là ça les dérange. Mais de dire qu'il y a plusieurs sectes puis qu'elles sont toutes correctes, ça fait leur affaire, parce que là dans ce cas-là personne va critiquer l'autre. Tout le monde va s'accepter les uns les autres, comme le font les Hizbiyins. En fait, c'est une de leurs caractéristiques aux Hizbiyins. C'est-à-dire qu'ils disent, d'accord, on admet qu'il y a des divergences entre nous, qu'il y a des divisions, mais c'est pas grave. On travaille tous ensemble, puis on s'excuse dans nos divergences. Ça, c'est la règle d'or des Ikhwan, hein, des Ikhwan muslimin. Et c'est une règle d'égarement. Hein. C'est-à-dire qu'ils essaient de dire que oui, peu importe si on est des divergents, on a des divisions dans la croyance, c'est pas grave. Alors que, tu regardes, est-ce que les sahaba avaient des différences dans leur croyance? Non. Hein? Ils étaient tous sur la même aqida et le même islam. Et les sectes sont apparues après. Hein? Donc, si tu retournes à la source, tu trouves pas ces divisions-là. Tu leur demandes, tu dis, est-ce que Abu Bakr et Omar étaient chiites? Est-ce qu'ils étaient des Khawarij? Non. Est-ce qu'ils étaient chiites? Non. Est-ce qu'ils étaient des Qadariyah? Non. Est-ce qu'ils étaient des Murdiyah? Non. Est-ce qu'ils étaient des Mu'tazila? Non. Est-ce qu'ils étaient des Jahmiyah? Non. Est-ce qu'ils étaient des Soufiyah? Non. Est-ce qu'ils étaient des Ikhwan, Jamaat Tablir? Hein, ce qu'ils faisaient, leurs mêmes rituels, leurs mêmes pratiques, leurs mêmes idées, non. Donc, si tu peux pas dire que ce que tu suis et ce que tu crois aujourd'hui, Abu Bakr et Omar y croyaient et le suivaient à leur époque, alors qu'est-ce que tu suis, c'est pas l'islam. Si, qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu pratiques comme religion, comme étant l'islam, Abu Bakr et Omar ne l'avaient pas comme croyance et comme pratique, alors ça, tu peux dire que ça ne fait pas partie de l'islam. Donc est-ce que Abu Bakr et Omar étaient sur une tariqa soufia, hein? Est-ce qu'ils faisaient par exemple le dhikr avec des instruments de musique et ils dansaient en rond dans la mosquée, hein? Est-ce qu'ils allaient adorer et prier des tombes et vénérer des saints et des morts? Non. Hein? Est-ce qu'ils niaient le qadar? Non. Est-ce qu'ils faisaient le takfir de ceux qui font des grands péchés et ils niaient leur foi? Non. Hein? Donc, et ainsi de suite. Et tu continues, tu vois des exemples de ça. C'est clair. Donc, le cheikh, il dit ensuite, « Hiya al-firqatu al-najiya, wa summiyat al-najiya. » Donc, il dit, « On a ressemblé aux gens qui nous ont précédés dans la division et dans la divergence, mais, par la grâce d'Allah, il y a un groupe qui est resté ferme sur la vérité et qui n'a pas dévié. » Et il dit, ce sont les gens de la sunna et de l'unité, et de la jama'a, ceux qui restent unis sur la sunna et autour de la sunna. Et c'est le groupe sauvé. Et on l'appelle le groupe sauvé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les sectes seront dans le feu excepté une. Donc celle qui est sauvée, c'est celle qui n'ira pas en enfer. Et il dit que ce groupe ou cette secte, elle a été sauvée de l'enfer uniquement parce qu'il est resté ferme sur la vérité et sur le tawhid et sur la bonne aqidah, celle sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ainsi que ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran. Cheikh il dit وَلَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc il dit que Allah les a décrits dans le verset 100 dans sourate At-Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont précédé, les premiers parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc ça veut dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muhajirin et les ansar, et tous ceux qui les suivent, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et dans ce verset, les ulama ils ont dit, on voit que Allah est satisfait des compagnons, des muhajirin et des ansar. Al-muhajirun, c'est ceux qui étaient à la Mecque, qui ont cru en l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui ont émigré à Médine par la suite, qui ont fait la hijra. Et Al-Ansar, ce sont les habitants de Médine qui ont cru en l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'il est satisfait d'eux. Personne peut dire, parmi les musulmans, personne peut dire qu'Allah est satisfait d'eux aujourd'hui, excepté les sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté à ceux-là et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc, si tu veux faire partie de ceux de qui Allah est satisfait, la condition pour ça, c'est que tu les suives, eux. Parce qu'Allah a dit qu'il est satisfait d'eux et de ceux qui les suivent de la meilleure manière. Donc, toi, aujourd'hui, si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, la seule manière par laquelle tu peux y arriver, c'est en suivant ceux-là qui t'ont précédé, c'est-à-dire les sahaba, ou en d'autres mots, les salafs. Parce que salaf, ça veut dire ceux qui ont précédé. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, mais pourquoi on utilise le terme salaf ou salafi, hein? Salafi, ça veut dire que tu suis ceux qui t'ont précédé. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Et donc, si tu suis ceux qui t'ont précédé parmi les sahaba et les tabi'in de la meilleure manière, hein, et que tu suis le Coran et la Sunna selon leur compréhension, alors dans ce cas-là, tu es sur la vérité. Donc, comme le frère Mustafa demandait la question par rapport à la définition d'Ahl Sunna al Jama'a, al-Firqatu al-Najiya wa al-Ta'ifatu al-Mansura, c'est de ça qu'on est en train de parler en fait. C'est Ahl Sunna, ça veut dire les gens de la Sunna, ceux qui s'accrochent à la Sunna, hein, qui vivent selon la Sunna, dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Hein, et wal Jama'a, ça veut dire, al-Jama'a, ça veut dire le groupe. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué la signification du terme Jama'a. Jama'a, c'est pas un groupe dans le sens, un groupe physiquement uni, un nombre de personnes qui sont réunies nécessairement. Parce que il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, Al-Jama'a, an takun al-haq, wa in kunta wahdak. Ou an takun ala ta'atillah, wa in kunta wahdak. C'est-à-dire que tu dois être sur la vérité et sur l'obéissance d'Allah. Même si tu es tout seul, c'est toi la Jama'a. Même si tu es tout seul, sur la vérité, c'est toi la Jama'a. Donc être sur la Jama'a, c'est pas d'être avec un groupe le plus nombreux, comme certains qui s'imaginent que c'est la quantité qui fait la vérité, non. Même si tu es tout seul, mais que c'est toi qui t'accroches à la vérité, au tawhid et à la sunna, et à la compréhension des salafs salih, dans ce cas-là, c'est toi la Jama'a. Même si tu es tout seul, ou même si vous êtes deux, trois ou quatre seulement. Même si toute la ville de Montréal contredit le Coran et la Sunna, puis que toi à Montréal tu t'accroches au Coran et la Sunna et la compréhension des salafs salih, et tu contredis tous les imams de toutes les mosquées dans la position que tu as parce que tu t'accroches au Coran et à la Sunna et la compréhension des salafs salih, dans ce cas là c'est toi la Jama'a dans cette ville, même si les autres font le contraire de ce que tu dis. même si tu es tout seul, même si tu es minoritaire. C'est pour ça que parfois les koufars, eux, à cause de leur système démocratique, ils s'imaginent que la vérité, c'est qu'est-ce que la majorité de la population a choisi. Donc si la majorité vote pour quelque chose ou décide quelque chose, ils disent, bon, ça y est, c'est ça la vérité, on est obligé de se soumettre. Alors que dans l'islam, non. Même si toute la population décide quelque chose, mais qu'une personne dit qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, c'est lui qui a raison, c'est ça qu'on doit suivre, même si tout le monde est contre lui. D'accord? Donc c'est pas une question de majorité, c'est pas une question de démocratie, c'est pas une question, hein? C'est comme si je vous donne un exemple, si on fait un vote pour déterminer la valeur de 1 plus 1, eh bien, si par exemple certaines personnes votent et on dit, bon, qui est-ce qui dit que 1 plus 1 égale 2? Qui est-ce qui dit que 1 plus 1 égale 3? Qui est-ce qui dit que 1 plus 1 égale 1? Et donc, là, chacun, à chaque fois, les gens lèvent leurs mains. Puis tu vois que la majorité des gens, ils disent 1 plus 1 égale 1. Et il y en a deux qui votent que 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va changer la valeur de 1 plus 1 pour satisfaire la majorité? Parce que la majorité a dit que 1 plus 1 fait 1, donc on est obligé de changer maintenant. Hein? Comme les exemples des chrétiens avec la Trinité, hein, qui disent que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors que tout le monde sait que 1 plus 1 plus 1, ça vaut 3. Hein? Mais il faut changer les mathématiques pour leur faire plaisir, parce qu'ils sont plus nombreux. Non. Donc c'est un peu comme ça, c'est la même chose pour qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. On ne va pas changer rien de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna juste pour satisfaire le nombre de personnes. D'accord? Et la Aqida, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est vrai dans le Coran et dans la Sunna et dans la croyance qu'on doit suivre, hein, de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien ça reste tel quel. On n'a pas le droit de le changer, peu importe le nombre de personnes qui est d'accord ou non avec qu'est-ce que Allah et son messager ont dit et qu'est-ce que les salafs ont suivi. Ensuite le cheikh il dit, donc ça veut dire que bon, il y aura beaucoup de gens qui vont dévier, mais il y aura quand même un groupe qui va rester accroché à la vérité, et c'est ça la signification de At-Ta'ifatul Mansoura aussi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire que la signification du groupe victorieux, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe qui va être sur la vérité, qui va être victorieux, hein? Et ceux qui vont s'opposer à eux ou qui vont les abandonner ne leur feront aucun tort. Et ils resteront sur la vérité victorieux jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc ça veut dire que malgré les déviations, malgré l'imitation des koufars, malgré l'égarement de la majorité des musulmans, il y aura toujours un groupe parmi la Ummah qui restera fermement accroché à la vérité, et au Coran et à la Sunna, et à la compréhension des salafs, même si les autres dévient. Et c'est le groupe victorieux et le groupe sauvé. Et c'est le même groupe, hein? Le groupe sauvé, le groupe victorieux, hein? Ahlus Sunnah wal Jama'a, As-Salafiyyun, c'est des synonymes. Des fois on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, des fois on les appelle Al-Firqatul Najiyah, des fois on les appelle At-Ta'ifatul Mansura, des fois on les appelle Ahlul Athar, des fois on les appelle As-Salafiyyun. Hein, mais c'est le même groupe, on parle toujours des mêmes personnes, c'est juste qu'ils ont différents qualificatifs ou différents noms, hein, mais c'est le même groupe dont on parle. Après il dit kullu hadhihi al-firaq fi an-nar illa hiya, donc toutes les groupes seront en enfer excepté lui. Donc c'est ça. Après le cheikh dit fal maqsoud anna al-aqida innama tutalaqqa من الكتاب والسنة ولا نتلقاها من عادات الناس أو تقاليدهم أو استحساناتهم أو من علم الكلام وقواعد المنطق والجدل، فإن هذا يشتت الناس ويضيعهم، وهو أمر منضبط، فتجد أن كل واحد سيستحسن أن يتبع شيخه ورئيسه ويحصل بذلك التفرق. فنحن لسنا ليس لنا قدوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو إمامنا وهو قدوتنا. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire maintenant, le but de tout ce qu'on a expliqué, c'est que la aqida elle doit être prise uniquement du Coran et de la Sunna. Et on ne peut pas prendre notre aqida des traditions et des coutumes des gens. Ok, beaucoup de gens là, beaucoup de gens, leur compréhension de l'islam et leurs croyances, ils les prennent par des traditions, par des adat, traditions, des coutumes. On peut pas non plus les prendre par des taqalid, hein, des choses, des coutumes, des traditions. Ou bien de prendre la aqida selon qu'est-ce qu'on considère comme étant bon. Hein, si, oh, moi je trouve que ça c'est bien. Ça je trouve que c'est bien. Hein, et donc tu te bases sur qu'est-ce que tu penses être bien ou qu'est-ce que tu penses être bon pour établir ta aqida. Non. Sans tenir compte de qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna. Et on ne prend pas non plus la aqida de l'islam de ilmul kalam, c'est-à-dire la philosophie. Ilmul kalam, les gens de bid'a, ils appellent la aqida, ils l'appellent ilmul kalam. Ou bien des fois, ils l'appellent ilm usul al-din. Les gens de bid'a ou les gens de kalam, ils appellent la aqida, ils l'appellent ilmul kalam. Hein? Ou bien ilm usul al-din. Si tu vas aller par exemple en Égypte, tu vas étudier Al-Azhar, quand la aqida, eux, qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est ilm al-kalam et c'est usul al-din. Hein? Ils pensent que usul al-din c'est ilm al-kalam et ça c'est incorrect. Pourquoi? Parce que ilm al-kalam c'est de la philosophie, c'est basé sur les théories, les idées des philosophes grecs ou des philosophes arabes qui ont essayé de parler à propos d'Allah en se basant sur leur logique, sur leur raison ou sur des règles qu'ils considèrent rationnelles qui ont été établies par des philosophes. Et donc ils ne parlent pas d'Allah selon qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran ou qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Ils se basent sur leurs propres idées, leur propre compréhension, leur logique, ou qu'est-ce qu'ils considèrent être logique. Ou bien les règles de qu'est-ce qu'on appelle, قواعد المنطق, la logique d'Aristote, hein, والجدل, والمنطق, وعلم الكلام, tout ça c'est dans la même branche. C'est comment ils appellent ça, la rhétorique, en tout cas l'argumentation, puis le débat, comment ils appellent, il y a un terme qu'ils utilisent là, la logique aristotélicienne, hein, des choses comme ça. Donc tout ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils suivent et ils pensent que c'est ça ilmul kalam ou que c'est ça usul al-din, pardon, et ça n'a rien à voir avec usul al-din. Sur le din, c'est qu'est-ce que tu trouves dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc le Cheikh dit فَإِنَّ هَذَا يُشَتِّتَ النَّاسُ وَيُضَيِّعْهُمْ. Donc quand les gens ils se réfèrent à leurs traditions, à leurs coutumes, à leurs raisons, à leur philosophie, tout ça, ça divise les gens et ça les fait se perdre eux-mêmes. C'est quelque chose qui, hein, les égare. Donc il faut revenir à quelque chose de clair et de stable. Et il dit فتجد كل واحد, donc tu trouves chacun, il trouve qu'est-ce qui est bon à suivre, c'est qu'est-ce que son cheikh a dit ou qu'est-ce que son chef a dit. Et c'est pour ça que la division se produit par la suite, parce que chacun se réfère à son cheikh au lieu de se référer à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ça tu le retrouves surtout chez les gens de bid'ah, parce que eux ils se réfèrent toujours à leur cheikh, même si leur cheikh a contredit le Coran et a contredit la Sunna. Donc eux ils vont dire par exemple, nous on suit uniquement qu'est-ce que notre cheikh nous a enseigné, hein? Et donc même si tu lui ramènes les preuves du Coran et de la Sunna pour lui montrer que qu'est-ce qu'il dit c'est faux, il va dire non, moi je suis qu'est-ce que le cheikh a dit, mon cheikh il a appris ça de son cheikh et son cheikh de son cheikh. Et quand tu recules, tu vois que ça arrête avant l'époque des Sahaba. Ça arrête même à, bien longtemps avant l'époque des tabi'in, hein, comme par exemple l'aqida des Ash'ariya. Ça remonte pas plus loin que Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né en 260. C'est loin après le professeur sallam. Puis on sait que 260 c'est la date de sa naissance, mais c'est pas la date à laquelle il a commencé à prêcher ses idées. Il a seulement commencé peut-être disons 60 ans après. Hein? Donc c'est vers les années 300. Donc c'est pour dire, avant ça, elle n'existait pas cette aqidah ash'ariya. Hein? Donc c'est pour cette raison, nous on dit, ça c'est une bid'ah. Donc on n'a pas besoin de se référer à ce genre de choses, ou à suivre un shaykh. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit le shaykh, il dit, nous notre référence et notre exemple et notre modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager, c'est vers lui qu'on retourne, et c'est lui notre guide, et c'est lui notre exemple, et c'est lui notre modèle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans surat Al-Ahzab, il y a certes pour vous le meilleur des exemples en la personne du messager d'Allah. Hein? Donc ça c'est notre imam, c'est lui notre exemple, c'est lui notre modèle. Hein? Et donc, la division, il dit, فَالْفِرْقَةُ الَّتِي يَقُودُهَا مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِيَ الَّتِي يَجِبُ اتِّبَاعُهَا دُونَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى الَّتِي يَقُودُهَا شَيْخٌ صُوفِي أو شَيْخٌ قُبُورِي أو شَيْخٌ حِزْبِي مُنْشَقٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ويقودها جهمي أو معتزلي يقول إن الله لا يتكلم وليس لله أسماء ولا صفات أو شيعي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est notre imam, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc la secte et le groupe que tu dois suivre, c'est la secte qui est guidée et qui est dirigée et guidée par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. C'est ce groupe-là qu'il est obligatoire pour nous de suivre. Hein? Et non pas les autres groupes, hein, qui sont guidés par un cheikh soufi, ou qui sont guidés par un cheikh kubouri. Kubouri, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il adore les tombes. Il adore les kubouri, il prie aux tombes. Il prie les morts. Hein? Ou bien qui sont guidés par un cheikh hizbi. Hizbi, ça veut dire un cheikh qui suit une bid, un hizb, un parti. Hizbi, ça veut dire qu'il suit un hizb. Un hizb, c'est un parti, un groupe, mais un groupe de bid'a, hein, un groupe qui passe sur la sunna. Donc, le hizb qu'ils suivent, les hizb comme le hizb d'Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, ou le hizb de Jama'at al-Tablir, hein, ça aussi c'est un hizb. Hizb al-Tahrir, hein, ou bien, yani, toutes les autres sectes aussi, ils sont tous des ahzab. Le hizb de Daesh, le Khawarij, hein, le hizb de Al-Qaïda, hein, et ainsi de suite. Et yani, ils suivent des gens qui se sont séparés et divisés de la Jama'a et qui refusent l'écoute et l'obéissance à leurs dirigeants. Donc, ces groupes-là sont des groupes parmi les groupes qui ont contredit le groupe sauvé. Ou bien ils sont guidés par un cheikh ou un imam ou un cheikh qui est Jahmi ou Mu'tazili. Et il dit, par exemple, il nie que Allah parle. Il dit Allah ne parle pas. Ou Allah n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Hein? Ça c'est la secte des Jahmi, hein? Hein, des gens de bid'ah. Ou bien ils sont guidés par un cheikh shi'i, un chiite, un rafidi, qui insulte les sahaba et qui les maudit. Hein? الله المستعان. Donc le cheikh il dit وأما العلماء فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتبعه ومن خالفه فإننا نرفضه ولا نتبع رأيه ولذلك جاء التحرير جاء التحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم السابقة في الاختلاف ولقد وجد في هذه الأمة من هو على هذه الشاكلة وإنك إذا ما قرأت في الكتب عن اختلاف الأمم أدركت أهمية هذا التحذير ككتب الملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق للبغدادي والفصل في الملل والنحل لابن حزم والمقالات لأبي الحسن الأشعري. Donc le cheikh il dit les ulama, donc en ce qui concerne les ulama, eh bien ceux d'entre les ulama qui sont qui suivent l'exemple et le modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là on le suit ce savant là. Si c'est un savant qui suit le modèle et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le suit dans ce cas-là. Mais si c'est un savant qui contredit le Coran et la Sunna et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui contredit la voie des salafs, dans ce cas-là, on le refuse, on le rejette et on ne suit pas son opinion. Parfois, il y a des gens, c'est ça, ils disent, ils vont se référer à un savant qui est parmi les savants de la Sunna, mais qui a fait une erreur dans une question quelconque de la religion. C'est-à-dire que dans la religion en général, il suit la voie d'Ahlus Sunnah wa Jama'a. Mais dans une question en particulier, il a contredit la position de Ahlus Sunnah wa Jama'a dans un point en particulier. Donc eux, parce qu'ils suivent leur passion et parce qu'ils veulent faire cette chose-là qui est en contradiction avec l'islam, ils se réfèrent à ce savant-là puis ils l'utilisent lui comme une preuve. Même si, qu'est-ce qu'il dit ? On a les preuves qu'il a contredit le Coran et la Sunna. Ils disent, ouais, mais il y a un grand savant qui s'appelle un tel et un tel, et lui a dit que de faire ça, c'est permis. Et là, lui, on lui dit, oui, d'accord, c'est un grand savant, effectivement, on le respecte, on l'aime, mais dans cette question-là en particulier, il a contredit le Coran et la Sunna et l'ijma des salafs, et donc, à cause de ça, on n'a pas le droit de prendre cette parole-là ou cette position-là de sa part. Même si c'est un grand savant. Parce que pour nous, la vérité est plus importante que la personne. Et c'est pour ça que les ulama ont dit, نحن نعرف لا نعرف الرجال لا نعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الرجال بالحق. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas la vérité en se basant sur qu'est-ce que les hommes disent. Mais on se base, on ne reconnaît pas la vérité par rapport aux hommes, mais on reconnaît les hommes par la vérité. Eux, ils font le contraire. Ils reconnaissent la vérité et pensent que la vérité se détermine par rapport à la personne et aux gens. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, c'est la vérité. S'il le dit pas, c'est pas vrai. Alors que la vérité est au-dessus des hommes. La vérité est au-dessus de tous les hommes. Donc ça veut dire si quelque chose contredit ce que Allah et son messager ont mentionné, ont enseigné, dans ce cas-là, peu importe qui d'autre vient après pour dire le contraire, peu importe son niveau de science, peu importe son niveau de piété, peu importe le bien qu'il a fait, la grandeur de sa générosité ou de sa sagesse ou autre, on n'a pas le droit de le suivre dans son erreur. Et le cheikh il dit, donc on rejette son opinion si elle est fausse, même si c'est un savant. Et il dit le cheikh que c'est pour cette raison là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, il a mis cette umma en garde contre le fait de suivre les nations précédentes dans la divergence. Et il dit que c'est pour ça qu'on trouve dans cette umma, dans la nation de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve des divisions et des divergences. Et il dit, si tu veux être convaincu de ça, il dit, lis dans les livres qui ont été écrits au sujet des divergences et des divisions dans la religion. Et tu vas voir l'importance de la mise en garde contre la divergence. Comme il a mentionné des références et des livres de référence au sujet des différentes sectes. Parce qu'il y a des savants qui ont écrit des livres sur les sectes et qui sont des livres de référence, qui sont bien connus. tous les spécialistes dans l'étude de la religion connaissent ces titres-là et ces livres-là. Parmi les livres, il y a le livre écrit par Al-Shahristani, qui s'appelle Al-Milal wa Nihal. C'est un livre spécialisé dans les différentes sectes. Et il te les énumère une après l'autre. Il va mentionner, par exemple, les Mu'tazila, les Khawarij, et toutes les sectes qui ont découlé de ces grandes sectes-là. Parce que chacune de ces grosses sectes s'est divisée en différentes petites sectes par la suite. D'accord ? Donc tu vas trouver chez les Khawarij la tête de la secte des Khawarij, puis après tu trouves différentes sectes parmi cette secte. Donc il y a, par exemple, Al-Azariqa, Al-Najdat, par exemple Al-Haruriya, donc différentes sectes parmi les Khawarij, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle tête qui apparaît des Khawarij, ça fait une nouvelle tendance, une nouvelle secte parmi les différentes sectes de Khawarij. Et la même chose chez les Mu'tazila, la même chose chez les Shia. Les Shia sont divisés entre eux en un nombre interminable de sectes. Donc tu dis, par exemple, il y a la secte des Shia, mais la secte des Shia en elle-même, elle est divisée en plus qu'une centaine de différentes sectes, à l'intérieur même des Shia. Et la même chose pour les Soufis, la même chose pour les Qadariya, et ainsi de suite. Pourquoi c'est normal? Parce que du moment que tu contredis le Coran et la Sunna, tu ouvres la porte à l'égarement. Et ça, c'est une conséquence naturelle qu'il y ait de la division par la suite. Parce que tu as contredit la vérité. D'accord? Et donc ensuite, donc il y a également d'autres livres comme ça. Il y a Al-Farq bayna al-Firaq. Ça, c'est un livre écrit par Al-Baghdadi, un cheikh qui s'appelle Al-Baghdadi. Al-Farq bayna al-Firaq, c'est-à-dire la différence entre les sectes. Al-Farq, c'est-à-dire la différence. Bayna al-Firaq, al-Firaq, ça veut dire les divisions. Firaq, c'est le pluriel de firqa. Firqa. Et Al-Faslu fil milal wa nihal, c'est écrit par Ibn Hazm, l'Andalousi, et Al-Maqalat al-Islamiyya, ou Maqalat al-Islamiyyin, c'est écrit par Abu al-Hassan al-Ash'ari, et c'est un des livres qu'il a écrit après s'être repenti de la voie des Kullabiyya. Quand il est à la fin de sa vie, il a dit qu'il est revenu à la croyance de l'Aqida d'Ahl Sunnah wa Jama'a et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il a écrit ce livre-là. Et aussi un autre livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Donc il a affirmé dans ce livre-là l'Aqida d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Même s'il a encore quelques, certains savants disent, il a quand même gardé certaines erreurs, des petites erreurs, mais sinon, en général, il a affirmé la aqidah d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Na'am. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: "Wa hadha al-iftiraq mashhur 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadith Abi Hurayra wa Sa'd wa Muawiyah wa 'Amr ibn 'Auf wa ghayrihim. Wa innama dhakartu hadith ibn 'Amr lima fihi min dhikr al-mushabaha." Il dit, cette division, ou ce hadith de la division, il est célèbre. C'est un hadith qui est célèbre, et qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs sahabis. Il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il énumère quelques-uns d'entre eux, comme Abu Huraira, et Sa'd, et Muawiyah, et Amr ibn Auf, et d'autres. Il dit, mais par contre, j'ai mentionné la version de Ibn Amr. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans la mention de la ressemblance, c'est-à-dire la ressemblance avec les kuffars. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce passage de la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit: Al-Maqsoud anna ahadith al-iftiraq mashhura wa thabita wa muta'addidat al-riwayat. وفي هذا رد على الذين يشككون الآن في حديث افترقت اليهود إلى قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فمن الناس من ينكر هذا الحديث ويقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه عن جهل. ولو فرضنا أن هذا الحديث لم يثبت فإن الواقع يشهد لهذا الافتراق، فهل المسلمون الآن على طريق واحد أو أنهم على طرق متعددة ومتنوعة؟ لا شك أنهم على طرق متعددة وأفكار شتى. دونك شيخ الفوزان كيس كيل دي شيخ الفوزان يعني حفظه الله يعني سي ان دي سافان كي فريمون parmi les ulama d'Ahl al-Sunna qui défend vraiment la vérité avec beaucoup de force. Donc il dit ici, qu'est-ce qu'il veut dire Ibn Taymiyyah ici, c'est que les hadiths de la division sont très célèbres et sont authentiques, et ils ont été rapportés de plusieurs différentes narrations, et il dit que ça vient réfuter la parole de ceux qui essaient de mettre des doutes en l'authenticité de ce hadith. Hein, le hadith qui dit que les juifs se sont divisés en 71, les chrétiens en 72, et cette umma se divisera en 73 sectes. Parmi les gens, il y en a qui essaient de nier ce hadith-là. Hein, et ces personnes-là, ils disent que ce n'est pas authentique ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ça authentiquement. Et il essaie de critiquer le hadith par ignorance, hein, avec ignorance. Et il dit le cheikh, supposons qu'il n'était pas authentique le hadith. Supposons que le hadith en question, il n'était pas authentique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ça. Eh bien, la réalité témoigne de la véracité de ce hadith. La réalité, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est réel dans la vie, nous confirme l'authenticité de ce hadith-là. Le cheikh, il dit, est-ce que les musulmans aujourd'hui sont sur une seule et unique voie, une seule et unique aqida, une seule et unique manhaj? Le cheikh, il dit, on voit que, hein, ou bien ils sont sur plusieurs différentes voies divergentes. Il n'y a pas de doute qu'ils sont sur différentes voies, différentes pensées. Hein? Donc le cheikh, il dit, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني 72 فرقة في النار، لأنها مخالفة للطريق الصحيح، وواحدة فقط على الجادة وهي في الجنة، وهذه الفرق التي في النار كل منها بحسب مفارقتها، فمنها من يكون في النار إذا كان افتراقه يقتضي الردة، ومنها من تكون في النار لفسق أصحابها، فيكونون في النار على حسب جريمتهم كأصحاب الكبائر، ولا يوصف بالكفر إلا من استحقه بشروطه المعروفة عند أهل العلم. Donc ici le cheikh là il a expliqué un point très très très important, et beaucoup de gens qui rejettent le hadith, ils le rejettent parce qu'ils n'ont pas compris ce point là à cause de leur ignorance. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seraient toutes en enfer, excepté une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 72 sectes qui vont être en enfer. Pourquoi? Parce qu'elles ont contredit la voie correcte. Et une seule voie sur la voie qui est droite et sur le paradis, hein, qui va être au paradis. Maintenant, toutes ces différentes 72 sectes qui sont en enfer, qu'est-ce qu'on dit de ces sectes-là? Est-ce qu'elles sont toutes mécréantes? Est-ce qu'elles sont toutes des sectes qui ont quitté l'islam et qui vont être en enfer pour l'éternité avec les mécréants et les mouchriquines? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire dans ce hadith? Non. Et le cheikh, il explique ça. Il dit, chacune de ces sectes qui va être en enfer selon la manière dans laquelle elle s'est séparée de la vérité. Selon le degré de déviation qu'elle a eu. Donc, si qu'est-ce qu'elle a eu comme déviation dans cette secte, c'est une déviation qui implique une apostasie, ou qu'elle a mécru ou rejeté l'islam, qu'elle est sortie de la religion, alors dans ce cas-là, elle sera en enfer pour l'éternité, puisqu'elle a quitté l'islam à cause de ses croyances en contradiction avec les fondements de l'islam. Soit parce qu'elle a commis du shirk majeur ou du kufr majeur, ou qu'elle a appelé à des idées qui contredisent les fondements de l'islam. dans la croyance. Ou bien, elle sera en enfer à cause d'une perversité ou d'un péché qui fait partie des grands péchés, mais qui ne fait pas demeurer quelqu'un en enfer éternellement. Donc, ils seront en enfer pour un nombre de temps, un certain nombre de temps, et quand Allah le décidera, ils sortiront de l'enfer et ils rentreront au paradis avec le reste des croyants. Mais ils ne vont pas être éternellement en enfer comme les mouchriquins et les kuffars. Et il dit, donc chacun sera en enfer parmi ces différentes sectes selon leurs crimes et comme les gens, parmi les gens des grands péchés. Et on ne décrit pas parmi ces sectes, on ne les décrit pas par la mécréance, excepté celui qui a mérité d'être décrit par la mécréance selon les conditions bien connues, hein, selon les conditions du takfir qui sont bien connues chez les hommes de science. Hein? Donc ça je sais pas, est-ce que ça a été clairement expliqué? Est-ce que vous comprenez bien maintenant? Hein? D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on dit à propos de ces 72 sectes qu'elles vont être dans l'enfer que ça veut dire qu'elles seront pour l'éternité nécessairement en enfer. Non. Ça veut dire qu'elles méritent l'enfer. Certaines méritent l'enfer pour différentes raisons. Certaines méritent l'enfer à cause de leur mécréance majeure ou leur shirk, et donc ça implique qu'ils seront éternellement en enfer parce qu'ils ont quitté l'islam complètement. D'autres méritent l'enfer à cause d'un grand péché qu'ils ont commis. Et toute personne qui mérite l'enfer, on sait que il peut l'éviter. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'il meurt sur un grand péché, le croyant ou le musulman, s'il meurt en commettant un grand péché, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le faire rentrer au paradis directement et le pardonner. Ou bien, parfois, il va le punir par sa justice, le faire passer dans l'enfer ou lui faire avoir un châtiment quelconque pour lui effacer ce péché-là. Et lorsque Allah décide, il le fait sortir de l'enfer et il le fait rentrer au paradis pour rester au paradis pour l'éternité par la suite. D'accord? Donc ça, c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des musulmans qui meurent sur un grand péché qu'ils ont commis. On ne dit pas automatiquement qu'ils sont en enfer pour l'éternité. Non, ça c'est la position des Khawarij. Ils disent, si tu fais un grand péché, tu es mécréant, tu deviens mushrik, kafir, tu vas être en enfer pour l'éternité. Donc, la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est pas ça du tout. D'accord? Le Cheikh, il dit ensuite, wa qawluhu innama zakartu hadith ibn Amr lima fihi min zikr al mushabaha allati hiya mahallu al bahth wa hiya al mazkura fi qawlihi حتى إذا كان منهم من يأتي أمه علانية كان منهم في أمتي من يصنع ذلك لأن الكمال في نظر المتشبهين ما عليه الكفار ولو كان من أخص الأمور وأفحشها ولو كان فيه ترك لسنة الرسول ولسنة لترك فيه ترك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a mentionné la version de Ibn Amr. Pourquoi? Parce qu'il y a la mention de la ressemblance dedans. Et il dit que c'est ça le sujet de la recherche dans le livre. Iqtida Sirat al-Mustaqim, c'est au sujet de la ressemblance des kuffars. Et donc il dit que quand le hadith qui dit même si l'un d'entre eux faisait le zina avec sa mère devant les gens, il y en aurait dans cette umma qui le ferait aussi. C'est pour montrer à quel point certains pensent que la perfection, c'est d'imiter les kuffars. C'est-à-dire, si tu veux être bon, et si tu veux être correct, et tu veux être parfait, c'est en imitant les kuffars que tu vas l'être. Il y a des gens qui ont cette idée-là. S'ils voient les kuffars faire des choses, ils disent « Ah, ça c'est beau, ça c'est bien ». Ça, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est moderne, c'est ça la nouvelle mode. Hein? Si tu veux être in, tu veux être à la page, hein? Tu veux être sur la nouvelle mode, tu veux pas être en retard dans les derniers cris, hein? Il faut que tu imites les kuffars. Parce que si tu n'imites pas les kuffars, retardé, tu vois, tu es en retard. Donc, nous, on ne laisse pas ce genre d'idées-là nous impressionner, hein, et on n'a pas du tout l'idée que pour être parfait ou pour être correct, il faut imiter ce que disent les koufars. Que ce soit dans la mode, ou que ce soit dans l'habillement, ou que ce soit dans les chaussures, ou que ce soit dans les coiffures, ou que ce soit dans le style, que ce soit dans peu importe, que ce soit dans le halal ou dans le haram. Quand on dit dans le halal, dans le sens que des choses qui en principe ne sont pas des choses qui sont à la base haram, mais qu'il y a quelque chose dedans qui fait que c'est quelque chose qui t'amène à imiter les koufars, hein, comme vouloir essayer de leur ressembler dans, par exemple, dans le style, dans l'habillement, dans des choses comme ça. Donc quand c'est quelque chose qui leur est particulier, tu n'as pas le droit de les imiter dedans. Tu n'as pas le droit de les imiter dedans. Et donc, le cheikh, il dit, il y en aura parmi les musulmans qui vont essayer de les imiter dans les choses, même si c'est les choses les plus perverses, les plus dégoûtantes. Hein? Même s'il y a dans ça le fait d'abandonner la sunna du prophète, ça ne les dérange pas. Ils veulent imiter les koufars à tout prix. Hein? C'est comme si on dirait qu'ils ont perdu la raison. Ils sont ignorants au point où ils sont arrivés à penser comme ça. Et ça, on retrouve ça chez les jeunes, beaucoup de jeunes musulmans qui sont influencés par tout ce qui est à la télé ou tout ce qui passe dans les médias ou tout ce qui est dans l'internet. Donc quelque chose, tout le monde le fait, eux aussi veulent le faire. Peu importe, même si l'affaire est totalement ridicule et absurde et laide et dégradante, dégoûtante, ça, c'est pas important pour eux, ça les dérange pas. Ouais, il y en a parmi les Ikhwan ou les gens des autres sectes, les groupes de Hizbiya contemporaines, ils rajoutent à ça le fait de vouloir rendre ces choses-là islamiques. Donc ça, c'est encore plus pire. C'est encore pire. C'est comme par exemple les filles, par exemple, qui veulent être à la mode, ok. Puis donc, étant donné qu'elles veulent être à la mode, mais elles veulent quand même être en accord avec l'islam selon elles, donc elles vont essayer de joindre les deux ensemble et dire bon, ok, d'accord, on va faire le hijab, mais on va faire des parades de mode avec le hijab. Puis on va faire le hijab comme si c'était pour des mannequins, tu vois. On va rajouter des couleurs, on va rajouter des styles, au lieu de le mettre de la façon traditionnelle, on va le mettre d'une façon moderne ou farfelue, tu vois, qui attire le regard des gens, qui est attirant. Et donc, il y a des femmes musulmanes qui s'imaginent que le hijab, ça doit être aussi attirant que les vêtements à la mode, tu vois. Et ils font même des parades de mode de ça. Hein, c'est rendu comme ça. Et il y a même des groupes de filles, maintenant des groupes de filles qui revendiquent ces choses-là. Qui disent que, bon, elles vont s'habiller avec le hijab, mais elles vont faire tout ce que font les koufars. C'est-à-dire, elles vont faire, par exemple, elles vont faire du skateboard, elles vont faire n'importe quoi. Tout ce que les voyous, les gens, ils font dans la rue, les koufars, elles vont le faire, mais avec le hijab. Il y en a même qui vont danser avec le hijab, ils vont en discothèque ou truc avec le hijab. Puis pour elles, c'est comme porter le voile, c'est comme un accessoire. Allah m'stane. Bon, ça c'est un autre truc comme ça. Donc les concours de beauté pour musulmans soi-disant avec hijab. Ouais. Ben moi je me rappellerai toujours l'exemple une sœur qui avait dit quand elle s'était convertie. Elle dit quand je suis convertie, j'ai commencé à porter le hijab. Elle dit j'ai remarqué que malgré que je portais le voile sur mes cheveux, puis je portais une robe, mais que j'avais pas couvert mon visage, ben je remarquais que quand même, malgré tout, il y a des hommes musulmans qui venaient dans la rue me parler ou m'aborder, me demander en mariage. T'imagines? Donc et la sœur elle a dit, subhanallah, comment ça se fait que je suis devenue musulmane, j'ai commencé à porter le voile, je mets une longue robe et quand même il y a des hommes qui viennent m'aborder dans la rue. Elle a dit, il y a quelque chose que je ne fais pas correct encore. Alors elle a commencé à porter le niqab. Et c'est là qu'elle a dit que maintenant c'est, ça y est. Il n'y a plus personne qui vient la déranger, qui vient l'aborder, qui vient essayer de la draguer ou de la demander en mariage dans la rue. Yani, alhamdoulilah. Donc c'est pour dire, des fois, tu, si, t'es, si la femme elle est sincère, elle sait. Qu'est-ce qui est plus attirant dans, dans une femme? C'est sûr que c'est son visage. Tu, tu vois que les ulama de l'islam, même ceux qui disent que le visage n'est pas obligatoire à couvrir, ils disent que c'est obligatoire de couvrir les pieds. Et les ulama qui disent que le visage est obligatoire à couvrir ont répondu à ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Comment ça se fait que vous ordonnez aux femmes de couvrir leurs pieds, mais que vous laissez aux femmes montrer leur visage? Est-ce que vous, vous préférez les pieds des femmes à leur visage? Et donc, ça c'est un argument rationnel, supporté par des textes du Coran et de la Sunna qui renforcent la, la position de ceux qui ordonnent ou qui obligent de couvrir le visage de la femme. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la prochaine fois, au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amen.